L'affaire du coffret. 57e. بانتظار موعد الإيقاع باللصوص، توتر الأعصاب لم يكن محتملا. من يحاول بيع العلبة المسروقة؟ من أجل إتيان أتمنى أن لا يكون غوني، ومن أجل ناديا أتمنى أن لا يكون جون بيير. Bien, tout le monde est là. Alors récapitulons. C'est la ligne spéciale, on enregistre. Nadia, vous pouvez répondre. Allô? Écoutez bien. Le coffret contre 2 millions d'euros. En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis. Ne vous inquiétez pas, Nadia. Tout se passera bien. On a l'habitude. وقع كلامه يحتوي على تهديد. سي إذا لم تأتي بمفردها هي ماذا؟ فوزامي؟ هي لن ترى أصدقائها مجددا؟ لكن صوت من هذا؟ bon, ça venait d'une cabine téléphonique près du port. Réécoutons et les analystes. Allez-y, messieurs. Écoutez bien, coffret contre 2 millions d'euros. Contre 2 millions d'euros. En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis. Écoutez bien. Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre. T'oublie pas, tu laisses tomber. Capiche? Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues? Jean-Pierre, pas ici. Attention, ici. J'ai des amis là-bas, attention. Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est en danger. Jean-Pierre et ses affaires. Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. L'accident, non? Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas vraiment. Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. Mais non, ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement. Et pourtant, cette voix... Coffret contre 2 millions d'euros. J'ai déjà entendu. Vous connaissez cette voix? Vous êtes sûr? En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis. C'est trop rapide, je suis pas sûr. C'est un homme d'âge moyen, pas italien, ni marseillais. En tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre. أعتقد أنني سمعت سابقا هذا الصوت في مكان ما في باريس. Ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement. Lentement? Jean-Pierre يتكلم ببطء. ليس عندما يكون غاضبا على أي حال. C'est trop rapide. Je suis pas sûr. Trop rapide. Etienne لديه شك، لكنه ليس متأكدا. Bien, je veux te parler. D'accord. Lucas, écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur. Agressif, mais faible. Odwani, lakin ضعيف. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis. أتمنى أن تكون نادية على حق. مهما تكن شخصية الرجل المتحدث، أريد أن ينتهي كل شيء بسلام. À suivre.